tu veux me test, tu veux me test, tu veux me test, tu veux me test, tu veux me test, tu veux me test, tu veux me test. Fais un gros joint de bœuf, fume sur le 22. Je m'entends d'avancer même si on m'aime peu. Faut pas le nerveux, assieds-toi un peu. Tu sais que je t'aime bien donc fais pas de feinte. Solo devant la lune, des fois je fais un deux. Dis-moi qui te colle, je te dirai qui t'en veut. Tiens, chien, tiens, prends mon shit, coupe en deux. Trop souvent fumé, tu fais le tour de ma ville à deux. Même si tes fans savent, je te plie en deux. Tu fais le voyou devant tes clients deux. Moi je leur fais danser le gars caliente. Si je t'en veux, je m'en prends à toi, non, pas l'un deux. C'est toujours Mike, un deux. Je suis sous votre car, rigole un peu. Moi je me montre pas, trop sous des gueux. C'est pas mon gars, pour ce qui passe à la barre. Sans avocat, je dis pas que je suis meilleur que. Je parle ghetto, qui veut me test, gros, je suis là. C'est souvent celui qui fait le gros qui n'agit pas au final. Faut que je les cherche, je les traumatise. Je sais qui m'observe, qui m'analyse. Tu veux me test, tu veux me test, tu veux me test, tu veux me test, tu veux me test, tu veux me test, tu veux me test. J'ai le cœur en panne, sur une remorque, prêt à soulever des montagnes. Bien sûr, sans faire le montagne, tout en gardant mes couilles et ma mentale. J'fais jamais le gangster quand je mélange la monster. J'me la pète pas parce qu'à ma tête en poster. Tiens, MC, un braqueur ou un boxeur. Franchement, j'y ai plus, mais j't'écrase en boxeur. Le vase a débordé, t'as rajouté la goutte d'eau. Arrête par les calages, t'as même pas un couteau. T'es une victime, chez moi t'appelles le puto. C'est pour les petits qui se font la main avec des caisses volées. Fortiesta AX, Twingo ou Punto. Pour ce qu'ils me disent, continue chez nous, ça t'écoute trop. Mais change pas, reste comme avant. Quand tu mets auto-tune, des fois ça dégoûte trop. Mais j'en fais qu'à ma tête. Mon texte, c'est ces gens la pointe. Ramène ceux qui parlent de moi, qu'on lui nique sa mère, qu'on lui casse sa tête. Une vie de pute avec des paroles de bonhomme. Surveille ta porte, les petits se lèvent de bonheur. Ils en ont marre d'être en mode économe. Pour eux, ce qui compte, c'est la fierté et l'honneur. J'parle ghetto, qui veut me test, gros, j'suis là. C'est souvent celui qui fait le gros qui n'agit pas au final. Faut que je les cherche, je les traumatise. J'sais qui m'observe, qui m'analyse. J'parle ghetto, qui veut me test, gros, j'suis là. Tu veux me test, je suis là. Tu veux me test, je suis là. Tu veux me test, je suis là. Tu veux me test, je suis là. Tu veux me test, je suis là. Tu veux me test, je suis là. Tu veux me test, je suis là. Tu veux me test, je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là.